Effectuer un retour aux études ou poursuivre ses études, toutes les raisons sont bonnes. On vous offre un horaire à temps complet ou partiel, des cours de formation générale de jour et en soirée et la possibilité de débuter en tout temps. Contactez vos centres d'éducation des adultes à Saint-Félicien-Robertval, Dolbeau-Mistassini et Normandin. On va faire la tournée des joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Hier, on a parlé à Michim Awashish de Mastouillage, qui est au camp des Saguenayens. On a parlé aussi avec Charles Tremblay. On a aussi parlé avec Jérôme Gravel, qui lui est athlétique de Victoriaville, mais qui est natif de Chambord. Là, maintenant, on va parler avec joueur de Dolbeau-Mistassini, Jérémy Fortin. Jérémy qui est avec les Sags cette année, qui a été prêté par les Cataractes. Salut, Jérémy! Salut. Jérémy, d'abord, si on parlait un peu de ta saison ou encore que d'abord, est-ce que tu es content d'évoluer pour les Saguenay de Chicoutimi? Ouais, vraiment, là, quand ils m'ont appelé, j'étais vraiment content. Je m'attendais vraiment pas à ça. Puis j'ai vraiment pris ça comme une motivation supplémentaire. Puis ça m'a donné un petit boost avant le camp d'entraînement. Puis je suis vraiment confiable là. OK. Jérémy, hier, tu étais en uniforme. Comment ça a été avec les Drakkars j'ai vraiment essayé de garder mon jeu simple, de jouer ma game. Je suis quelqu'un qui est quand même assez, un joueur assez défensif, qui amène de l'énergie, puis je pense que hier, c'est ça que j'ai fait. Puis je pense que dans l'ensemble, individuellement, ça a rien été. Okay. Il faut que je continue fort. Ben oui, c'est sûr. Là, tu as été prêté pour ta carrière. Tu me dis que tu étais content, mais pour ta carrière, c'est-tu vraiment une bonne chose que tu aies été avec les Saguenayens ou encore les Cataractes qui vont être en reconstruction? C'est deux équipes en reconstruction. Est-ce que pour ta carrière, c'est mieux les Sags ou les Cataractes? Moi, je pense que c'est mieux avec les Saguenayens. Premièrement, ben, je suis proche de ma famille, fait que ça leur facilite la tâche. T'sais, ils ont vraiment fait beaucoup de sacrifices pour moi, puis je suis content pour eux autres que c'est beaucoup de routes, puis beaucoup de tout ça. Fait que tout premièrement, c'est vraiment un plus. Puis ensuite, j'aime vraiment l'organisation. J'aime vraiment les entraîneurs sont intenses, puis sont honnêtes. Ça a l'air des entraîneurs honnêtes, fait que j'aime vraiment ça. Puis ça a l'air donnant. Là, je pense là qu'il faut que quand tu viens de nouveau t'entraîner. OK. Au mieux, tu es un joueur d'énergie, tu es un gars qui essaie d'être le plus responsable dans sa zone et sa rondelle. Donc, tu te vois comment un joueur de troisième centre, à peu près? Comme le rôle que l'équipe va donner. En fait, je suis quelqu'un qui est responsable, comme tu dis. Que s'il met sa quatrième ligne, je vais jouer comme un gars de quatrième ligne. S'il met sa troisième ligne, je vais jouer comme un gars de troisième ligne. Mais j'essaie de garder mon jeu simple. OK. Est-ce que Yannick t'a laissé entrevoir que tu pourrais faire l'équipe? Ben, oui puis non. Là, il m'a dit qu'il fallait que je garde ma chaise, il fallait que je continue à travailler, puis c'est ça que je fais. OK. Jérémy, dis-moi, tu t'es préparé certainement, tu es un gars travaillant, tu es un gars qui n'a pas peur de faire des sacrifices, ce qu'on dit de toi. Tu as dû bien te préparer, j'imagine, en vue de cet été? Travailler fort cet été-là, c'est pas évident. Je veux dire, on est quand même, donc on n'avait pas beaucoup de glace, donc j'essaie de monter le plus souvent possible à la rue pour pouvoir tout faire à partir de mon rang, puis je me suis rentré un effort, je me suis rentré préparé, c'est ma dernière chance, c'est ça que j'ai. Ben oui. Le Drakkar de Bécancour, pas le Drakkar, mais je veux dire, avant que tu retournes avec les Cataractes, c'est peut-être la Légion 3 qui va t'attendre encore, parce que ça a bien été l'année passée que la Légion 3, hein? Ouais, mais j'essaie d'y penser le moins possible, là. J'essaie de me concentrer plus sur ce qui s'en vient, puis après ça, je vais analyser ce qui se passe, puisque tu sais, je vais pas négliger mes études non plus. Non, c'est sûr. Ouais, fait que je vais en parler avec mes parents, mes agents, pour voir ce qui se passe. OK. Puis, au cas ça ferait pas. OK. Jérémy, est-ce que tu as eu la confirmation que tu allais jouer pour les Sags vendredi? Parce que c'est un match à Dolbeau vendredi devant ouais. Les Sags. J'imagine que les Sags vont te faire jouer. Ben, j'aimerais vraiment ça. Non, on ne l'a pas encore dit, mais on va jouer dans l'aréna de mon enfance où est-ce que j'ai appris à jouer. Dans le fond, ça serait vraiment... J'espère que je vais jouer. OK. Ben, Jérémy, on va te souhaiter la meilleure des chances, évidemment. Est-ce que tu joues ce soir? Ouais, je joue ce soir. OK, mais tu es en uniforme, c'est ça? Ouais. OK, fait que possiblement qu'on va te voir vendredi également. Ben, Jérémy, Fortin, un gros merci. On se reparle prochainement. Il est au camp des Saguenay de Chicoutimi, Jérémy Fortin.